Je suis accompagné de Bertrand Shepard de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour Bertrand Shepard. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Surtout qu'il fait très beau ici à Québec et à Montréal aussi, j'imagine. Oui. Bertrand Shepard, vous êtes chercheur donc à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Peut-être rapidement rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'Institut, l'IRIS? L'IRIS, en fait, c'est un institut de recherche qui étudie les phénomènes socio-économiques du Québec surtout et du Canada. Et puis on s'intéresse de voir l'économie de manière progressive et un peu faire un contre-discours à ce qui se fait et ce qui se dit souvent, qui sont des mythes ou des dogmes économiques, de manière à intégrer la question de la sociologie, mais aussi des visions économiques qui ne sont pas uniquement le discours présent qu'on a, qui est plutôt néolibéral. Et justement, en parlant de recherche, vous en avez publié une récemment. Vous avez fait aussi un billet le 15 janvier dernier qui faisait état de cette étude que vous avez intitulée « Est-ce que le système d'impôts québécois favorise le travail? » Vous avez soulevé la question de l'inégalité fiscale favorisant les revenus au-delà de la moyenne. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne sur la progressivité de notre système d'impôts parce qu'on voit beaucoup de contestations, de gens qui contestent cette idée que notre système d'impôts devrait être progressif. On parle plutôt d'un taux unique d'imposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, le taux unique, on a cette impression que ça va décomplexifier le système d'impôts, puis ça va être plus facile un peu à gérer. En fait, ce qu'on réalise au départ, c'est pas les questions de taux d'imposition qui créent une complexité dans le système fiscal. C'est beaucoup plus les crédits d'impôt et tout ça. On y reviendra un peu plus tard. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que si on prend un taux unique, ça va avantager certaines personnes plutôt que d'autres. En fait, si par exemple, on prend un exemple, si on prend un taux unique qui est à 10 % ce 10 %-là, pour quelqu'un qui fait 20 ou 30 000 $ est beaucoup plus dommageable pour sa consommation à lui que si quelqu'un prend un salaire de 70 000 ou 200 000 $ par exemple, va donner un peu plus d'argent en termes d'impôts, mais en termes de capacité d'achat, ça nuira pas autant. Donc, une question de progressivité permet d'avoir une économie qui est plus saine, hein, parce que le système d'impôts québécois, et ça, c'est une des grandes forces de ce système-là par rapport au restant du Canada ou aux États-Unis, en étant progressif, permet aussi de réduire les inégalités générales et de réduire finalement le taux de pauvreté par rapport à d'autres provinces. Votre étude démontre que les revenus ne sont pas tous égaux devant l'impôt pour d'autres raisons que la progressivité, mais on vient de voir ensemble que finalement c'est pas si bête, au contraire, là, d'avoir un impôt progressif. Ça favorise une redistribution de la richesse qui favorise au bout du compte une meilleure société. Dans l'étude, vous avez examiné un aspect dont on parle peu, la différence d'imposition selon la provenance des revenus. Qu'est-ce qu'il y en est au juste? Ben, en fait, on réalise que généralement, les personnes qui ont plus qu'un revenu qu'un type de revenu, là, par exemple, autrement que seulement le salariat, par exemple, ont une plus grande capacité à déduire ou à diminuer leur taux d'imposition. Donc, évidemment, la vaste majorité des gens font un salaire ou c'est leur seul revenu ou environ. Et donc, quand c'est ça, à ce moment-là, ben, ils subissent les taux d'imposition et ça se fait assez simplement. Lorsqu'on a plusieurs revenus d'imposition, par exemple, on a des rentes, on a un salaire, on a des loyers qui rentrent, on a plusieurs types de revenus où on est travailleur autonome, par exemple, on a une capacité de déduire à travers un paquet de déductions et de crédits d'impôt notre paiement d'impôt, en fait. Comme, par exemple, vous savez, quand on fait notre rapport d'impôt, il y a deux étapes. La première étape, on calcule quel est le revenu d'imposable par rapport à notre revenu brut, donc sur combien d'argent je vais être réellement imposé. Mm-hmm. Et la deuxième partie, ça va être de calculer finalement combien j'ai à payer par rapport au revenu imposable. Donc, pour vous donner un exemple, si on prend quelqu'un qui fait entre 60 et 70 000 $ eh bien, pour calculer son revenu normal et pour le diminuer à son revenu imposable, il va diminuer ce revenu-là d'environ 11 %. Tandis que quelqu'un qui fait 150 000 et 200 000, ce revenu-là sur lequel on va calculer l'impôt va diminuer de 15 %. Donc, au départ, il y a déjà une inégalité ici. Il y en a une seconde lorsqu'on calcule l'impôt à payer. Oui. Pour les gens qui font entre 60 et 70 000, ben, il y a une diminution d'environ 15 % de l'impôt à payer par rapport au revenu imposable. Et dans le cas des gens qui font 250 000 et plus, par exemple, c'est une diminution qui va jusqu'à 33 % de diminution. Donc, il y a quand même une capacité de jouer avec l'impôt à travers différents mécanismes, la capacité d'avoir une expertise fiscale qui est importante, très pointue. On ne parle pas d'aller faire ses impôts chez HR Block, mais bien d'être capable de connaître l'impôt sur le bout des doigts et souvent même utiliser des crédits d'impôt qui sont pas prévus à cet effet-là. C'est-à-dire être tellement capable de jouer avec les impôts qu'on sort un petit peu de la philosophie des crédits d'impôt pour les utiliser. Justement, peut-être nous donner des exemples, là, ces fameux crédits d'impôt dont on entend tous parler. Ben, en fait, c'est que si on prend un exemple qui est simple, en fait, c'est qu'un crédit d'impôt, par exemple, le crédit d'impôt pour les déductions pour les frais financiers, par exemple. Ouais. Le gouvernement met ça en place dans l'espoir que les gens, généralement de la classe moyenne, puissent épargner et donc, en faisant leurs épargnes, puissent déduire une partie des frais de comptable ou de gestion qui peuvent être liés. Ouais. Quand on regarde ce qui fait pour à peu près les gens entre 60 et 70 000, donc qui représentent une vaste partie de la population, là, donc environ 90 % de la population, ouais. Les gens déduisent environ 175 $ par année. Quand on regarde, par exemple, pour quelqu'un qui fait 250 000 et plus, là, qui représente environ 0,6 % de la population, ils sont capables de diminuer jusqu'à 5 000 $ d'utiliser ces déductions-là jusqu'à 5 000 $. Donc, il y a quand même une inégalité là-dessus. Mm-hmm. D'autre part, il y a aussi un paquet de déductions qui sont possibles lorsque vous faites des revenus de dividendes, par exemple, où vous pouvez transférer à votre conjoint à travers des prêts ou de différentes manières, oui. de déduire jusqu'à des milliers de dollars et profiter finalement de votre situation maritale. En fait, c'est aussi une des manières dont on peut jouer avec l'impôt. Oui. Donc, en quelque sorte, les gens qui font des revenus d'en haut de 70 000 $ et qui ne sont pas uniquement salariés ont une position beaucoup plus avantageuse que les gens qui font 70 000 $ et moins. Oui, ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, j'ai l'impression. Bien, c'est un travail qu'on a fait de longue haleine, en fait, oui. Et qui était de prendre l'ensemble de la méthode, l'ensemble des statistiques d'impôt et des statistiques Québec et de statistiques Canada. Et puis, finalement, on est l'un des premiers à avoir fait ça, et c'est assez troublant comme réponse. C'est pas nécessairement ce qu'on cherchait, mais quand on l'a vu, ça nous apparaissait assez important pour en faire mention, en fait. Oui. Et ça, c'est sans compter toute la fameuse le fameux volet des paradis fiscaux qui est une façon aussi de cacher de l'argent, de cacher des revenus. C'est ça, effectivement. Nous, on n'a pas tenu compte de toute la partie paradis fiscaux ou, disons, le dévitement fiscal. Donc, nous, on prend juste ce qui est légal ici. On ne prend pas ce qui est illégal ou qui n'a pas été trouvé, en fait. Oui. Donc, à ce niveau-là, déjà, il y a un avantage qui est très clair pour quelqu'un qui fait plusieurs milliers de dollars en revenus. De placement, généralement. Vous êtes en train de nous dire qu'il n'est même pas nécessaire de tricher, finalement, qu'on peut, même si on a beaucoup plus de revenus que la moyenne, on peut quand même profiter de déduction d'impôts sans devoir tricher. Non, c'est ça. Donc, c'est pas du tout une manière de tricher. C'est la manière dont le système est fait. Oui. Qui, généralement, c'est utiliser un paquet de revenus de déduction d'impôts, de crédit d'impôt. Oui. Généralement, j'ai l'impression, réfléchi pour aider l'ensemble de la population. Mm-hmm. Mais comme une connaissance accrue de toutes les petites déductions, toutes les petites choses qu'on peut aller faire, ben on réussit à profiter du système mieux que la vaste majorité des gens, finalement. Oui. Là, vous avez examiné la possibilité d'instaurer des plafonds sur les déductions, les crédits d'impôt. Quels seraient les avantages d'une telle approche? Ben pour nous, c'était de réfléchir à comment on pouvait finalement diminuer cette inégalité ou cette inéquité entre les gens qui sont salariés, finalement, et les gens qui ont un revenu de divers types, mais généralement de placement. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'admettons qu'on prenait un plafond sur ce que les gens qui font entre 60 et 70 000 $ font, donc tous les crédits d'impôt, les déductions, oui. Combien en général ces gens-là prennent, et puis on met un plafond. Pour vous donner une idée, le revenu moyen d'une famille au Québec, c'est environ 65 000 $. Donc, on n'est pas ici en train de dire on veut vraiment empêcher les gens de faire de l'argent. C'est pas ça l'idée. Mais si on faisait ce plafond-là, eh bien, en fait, on résorberait cette inéquité-là. Et de plus, le gouvernement pourrait aller chercher jusqu'à 960 millions de $. Et ça, c'est sans nécessairement faire des luttes à des politiques qui sont illégales. Oui. Et sans même non plus, là, par exemple, changer les lois présentes sur la taxe sur le capital ou sur les déductions sur les dividendes, par exemple. Juste pour bien comprendre, le plafond, vous le situez, il y a un nombre maximum de déductions que les gens pourraient faire au-delà duquel c'est plus possible d'en faire, c'est ça? Ben, ce qu'on ferait, c'est qu'on garderait toutes les mêmes déductions ou les mêmes crédits d'impôt qui existent présentement, oui. Mais on les plafonnerait à ce que les gens qui font entre 60 et 70 000 $ utilisent. Donc, okay. Par exemple, vous faites vous faites 100 000 $ par exemple, oui. Eh bien, vous avez le droit jusqu'à un certain montant de crédit pour chaque crédit d'impôt, qui est okay. celui qui est utilisé généralement jusqu'à 70 000 $. D'accord. Donc, tout le monde peut encore utiliser les mêmes crédits. On veut pas nuire à une catégorie de personnes ou à un autre, mais c'est bien de réduire une inéquité qui est présente. Oui, et vous avez calculé que le gouvernement aurait 970 millions de revenus de plus. On parle du gouvernement du Québec ou des deux gouvernements? Le gouvernement du Québec uniquement. C'est donc, incroyable. Nous, on a regardé que le système québécois ici. Là. Oui. Il y a un aspect, par contre, vous l'avez évoqué, cet aspect-là. Il y a le gouvernement fédéral, lui, qui entend mettre en place le fractionnement du revenu, une mesure qui permettra aux couples de partager leur revenu entre un conjoint plus fortuné et un conjoint moins fortuné pour réduire leur niveau d'imposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais encore là, c'est une politique qui, à prime abord, semble intéressante pour bien des gens, mais il faut penser que si on regarde les taux d'imposition puis la manière dont l'impôt est fait, la proposition qui est annoncée va vraiment, finalement, aider surtout les personnes les plus riches au Canada, en fait. Si on regarde, là, il y a 86 % de la population des moins nantis, ils ne bénéficieront pas de ce type de proposition oui. gouvernementale. Oui. Si on regarde comme tel, pour chaque dollar qui vont être dépensés pour finalement, qui vont pas être prises finalement en argent, il y a 75 sous qui vont aller aux personnes les plus fortunées, aux 33 % les plus fortunés. Mm-hmm. Puis finalement, le 25 cents va se séparer entre le deux tiers du reste de la population canadienne. Donc c'est vraiment une politique qui favorise les plus riches. Puis en termes de retour fiscal pour le gouvernement, bien évidemment, le gouvernement, en faisant ça, s'attend à recevoir moins d'argent de la part du le gouvernement canadien. Mm-hmm. On parle de 3 milliards de dollars annuellement en moins pour le gouvernement. Puis pour les provinces, là, on parle d'environ 1,9 milliard de différence que ça va donner à travers le système d'imposition puis des péréquations. Donc, final, c'est une politique qui est vraiment... De permettre aux plus riches, finalement, de diminuer leur imposition, oui. tandis que la vaste majorité là, des individus vont pas bénéficier réellement de cette proposition-là. Parce que quand le gouvernement fédéral diminue ses revenus, il diminue proportionnellement la péréquation, c'est ça? Mais pas proportionnellement, mais il y a une part des revenus du gouvernement qui ne sera pas retransmis aux provinces. C'est un peu différent pour le Québec, je vous l'admets, oui. mais cependant, pour la vaste majorité des provinces qui font qu'un seul rapport d'impôt, et qui reçoivent de l'argent qui est redistribué par le gouvernement canadien par la suite, eh bien là, il y a toute une différence pour. Oui. Bien, merci beaucoup, Bertrand. Je sais pas, ce qu'on retient de votre proposition, finalement, c'est qu'en établissant un plafond sur les déductions, on réussirait à récupérer des sous, et ce serait probablement plus juste pour l'ensemble de la population qui paie ses impôts. Effectivement. Merci, Bertrand Chappard. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Au revoir. Merci. Au revoir.